Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 1er mai une communication qui dit comme ce qui suit. Cette année, les États-Unis ont livré dans une grande échelle sans précédent les manœuvres conjointes Kirill Zolf et Aigle en y lançant plus de 300 000 hommes et des biens stratégiques nucléaires. Ils se sont débarrassés complètement de la voile trompeuse dite défensive, tout en révélant ouvertement leur tentative de frappe nucléaire préemptive contre nous. Douillés de l'audace sans pareil, du stratagème imminent et de la volonté de faire, le dirigeant suprême Kim Jong-un a triomphé de la récente crise aussi en conduisant notre armée et notre peuple, tout en portant son apport à la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité de notre patrie et à la défense de la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne et du reste de la région. La réalité de la péninsule coréenne a démontré de nouveau que les États-Unis sont l'auteur de l'agression et de la guerre, le perturbateur de la paix et le meneur de l'aggravation de la tension, et que nous avons développé parallèlement l'économie et la capacité militaire nucléaire d'une manière très juste et prévoyante pour consolider notre puissante dissuasion nucléaire autodéfensive. La dernière affrontement avec les États-Unis nous a persuadé une fois de plus qu'il faut avoir ses propres forces puissantes pour se défendre dans le tourbillon de l'histoire sans aucune aide ni grâce d'autrui. Comme les États-Unis recourent à leur politique coréenne dite « pression extrême et intervention » et s'adonnent à la campagne générale de sanctions et de pression sur nous, nos mesures de renforcement de la dissuasion nucléaire seront accélérées au rythme maximal. Nos mesures de renforcement des forces nucléaires seront prises d'une manière successive et multipliée, à tout temps et à tout lieu définie par notre direction suprême.